بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن il y a une question qu'on doit tous se poser. Si on a compris cette brève introduction, كيف تنال محبة الله عز وجل؟ Comment acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par Munir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الإمام المفسر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل. Ce verset, هذه الآية العظيمة حاكمة, أي elle démontre, est-ce que celui qui prétend qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il est صادق أم لا, est-ce qu'il est véridique أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Et si vous prétendez aimer Allah Azza wa Jal, suivez ce messager. Suivez هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. قال ابن كثير وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. Celui qui ne suit pas sunnat nabiyina Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne suit pas manhaj al-nubuwa, il ne suit pas la voie de hadha al-rasul, fa il est kadhibun fi da'wa, ay il n'est pas véridique dans sa prétention annahu il aime Allah subhanahu wa ta'ala. قال حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. C'est ça la condition que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans ce verset. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, sache اولا que ça suffit pas que tu l'aimes. Ça suffit pas. لأن الله سبحانه وتعالى il a cité une condition. Ton amour, elle doit pas être contredit par cette condition. أي si tu suis le prophète صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن كثير فإن شاء الله هذا الشخص qui prétend aimer Allah il est صادق. Et si il suit pas la voie du prophète صلى الله عليه وسلم فإل est كاذب. Ça nous montre que c'est pas chaque personne, si elle prétend une chose, elle a forcément, elle a cette chose. Là, قل إن كنتم تحبون الله. Et si vous prétendez aimer Allah, فاتبعوني, condition, suivez le messager d'Allah, يحببكم الله, Allah il vous aimera. قال ابن كثير كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec une chose, avec une ibadah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait, il n'a pas ordonné, il n'a pas accepté, il n'a pas légiféré, فعمله مردود عليه. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte pas son amal. Ça nous montre أن العبادة لابد من شروط pour qu'elle soit acceptée. La sincérité, bien sûr, et que cette ibadah, elle soit fondée sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'amour d'Allah kadhalik, celui qui prétend aimer Allah, il y a une condition. Si cette personne qui prétend cet amour, elle veut que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime, suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ibn Kathir, wa lihada qal, أي الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهي محبته إياكم. Et ça c'est أعظم فضل. Ça c'est la plus grande نعمة أن الله سبحانه وتعالى يحبك. Si tu veux هذه المحبة هذا الفضل العظيم ست منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى أي إتم يحبك tu dois suivre le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لأن celui que tu prétends aimer et que tu veux aimer et que tu espères aimer, Allah سبحانه وتعالى il a cité cette condition. Il n'y a pas d'autre chemin pour que Allah سبحانه وتعالى il aime إلا سويبغ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وهو أعظم من الأول أي محبة الله سبحانه وتعالى أعظم من محبتنا إياه سبحانه. قال كما قال بعض العلماء ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. هذا حكمة عظيمة. ليس الشأن أن تحب أي l'important ou le plus important, c'est pas que toi t'aimes. C'est important, bien sûr. Lakin, plus important que hada, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Fakam min al-nas, min ahl al-kufr, wal-ilhad, wal-dhalal, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbuhum. Limadha li'anna, ils sont pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falaysa sha'an an tuhib. Il suffit pas que t'aimes. Lakin l'essentiel, c'est que Allah t'aime. C'est une mas'ala azima. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de toi et il t'aime. Qala, wa qala al-Hasan al-Basri wa ghayruhu min as-salaf, za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah, fabtalahum Allah bihadihi al-aya. Al-Hasan البصري الإمام رحمة الله عليه قال كذلك غيره من الأئمة أن des personnes elles ont prétendu أنهم الزام الله سبحانه وتعالى فالله il les a éprouvés avec ce verset. فلهذا بعض العلماء يسمون هذه الآية ils appellent ce verset آية المحنة. C'est un verset, c'est une épreuve, c'est un test. Et si tu es sincère, si tu es véridique dans ta prétention, annaka tu aimes Allah, fattabi'uni, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhbibkum Allah, Allah il t'aimera. Fahadihi, intaha kalam Ibn Kathir, fahadihi al-mahabba manzilatun azima. C'est une manzila azima pour l'abd. Annahu il aime Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس مدارج السالكين il traite ce sujet de المحبة dans ce livre مدارج السالكين. قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة. Cette محبة elle rentre dans cette globalité qui est citée dans ce verset إياك نعبد وإياك نستعين. لأن المحبة إيمي الله سبحانه وتعالى سين عبادة. قال وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون. C'est dans ça qu'on doit faire des efforts. C'est dans ça qu'on doit se concurrencer في الخير. C'est dans ça qu'on doit se conseiller. Et comment atteindre ce niveau? Aimer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala, et nous aime. قال فهي قوت في نسخة قوة قوة القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. نعم, c'est ça le bonheur. C'est ça qui va te donner de l'énergie, de la motivation. C'est d'atteindre cet objectif. محبة الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك تتغني أخي الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Fa yuyassir laka al-umur wa yaftah laka al-abwab. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts fi hada. Amma mahabbatul khalq, mahabbatul nas, t'arriveras jamais à satisfaire tout le monde. Abadan. Et rubbama il t'aime pour une chose batila. Ou une chose que tu ne mérites pas. Ou que lui, il ne mérite pas. Et même s'il t'aime, il ne pourra pas t'être utile dans grand chose. لأنه عبد comme toi, un ضعيف. Et ربما il t'aime aujourd'hui et il te déteste demain. لكن محبة الله سبحانه وتعالى السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. قال وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. Ibn al-Qayyim compare à ceux qui n'aiment pas Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il les aime pas. Ils sont comme des morts. Naam, leur vie n'a aucun but. Wa ta'ammal fi hal al-kuffar. Ils n'ont aucun objectif. Ba'dhuhum wal 'iyadu billah, rubbama toute sa vie, c'est pour que fulan ou fulana illam ou allam. Toute sa vie. Na'oudou billah. Mahabbat un makhlouq, un va'if, est dans une chose muharrama ba'tila. Et il gaspille son temps. Et gaspille sa vie, wal 'iyadu billah. Amma nahnu al-mu'minun. La. Notre but c'est hada. قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Et parmi cette ibada al-mahabba. Et في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين. قال والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الاسقام واللذة التي من لم يصبر بها فعيشه كله هموم وآلام. Et tu comprends pourquoi بعض الناس leur vie c'est une مصيبة, c'est une catastrophe. هموم, des soucis, des problèmes. Ils ont la poitrine serrée. نعم, ils profitent pas أبدا. Même si tu les vois يتمتعون بالأموال, et ils ont une vie en apparence aisée, ils sont fi dhayq wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Celui qui s'écarte du dhikr d'Allah, ay de suivre hadha an-nabi, de son objectif c'est atteindre cette mahabba que lui il aime Allah et Allah il aime, il aura une vie comme qala 'azza wa jalla dhanka, ay ta'b. Il souffrira, il aura des problèmes, il sera triste, il ne sera jamais reposé abadan. Fa akhi al-mu'min, akhi al-karim, cette mahabba, an-nafi' al-azima, jalibatun li khayri dunya wal-akhira. Si tu veux être heureux dans cette vie et dans l'au-delà, et atteindre ton objectif, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé, fais des efforts fi hada. Fais des efforts fi hada. Ton objectif c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de toi. Amma mahabbatu a'da'illah wa rusulih wa mahabbat ma yughdhibu Allah subhanahu wa ta'ala hadha yadhurruk. Ça te fera du mal. Ça te fera du mal. لأن هذا العبد il sera jamais satisfait. هذا العبد il est ضعيف comme toi, il peut rien te donner. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu trouveras pas un mu'min صادق qui aime les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى أبدا. وقال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Tu trouves من الكفر من المشركين أن ils ont pris des divinités, des idoles, et ils les aiment comme Allah, ou plus qu'Allah. لكن المؤمن son amour pour Allah elle est أعظم لأنه c'est un مؤمن. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه pour te montrer cette نعمة. قال فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة. La plus grande نعمة, comme on l'a cité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. قال وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب عبدا يسر له الأسباب. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et tu fais les causes pour que Allah t'aime, et parmi les causes, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on citera les autres causes. Lakin, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il te facilite. Il te facilite beaucoup de choses. Il t'ouvre les portes. يَسَّرَ لَهُ الْأَسْبَابِ وَهَوَّنَ عَلَيْهِ كُلَّ عَسِيرٍ. Même s'il éprouve, لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى s'il aime une personne, il l'éprouve, عَزَّ وَجَلْ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Lakin, il te facilite. Il t'ouvre les portes. Et cette épreuve, c'est pour t'élever en degré. Cette épreuve, c'est pour te pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son serviteur, il l'éprouve et il l'élève et il le facilite. قال وكل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. Il le facilite كذلك. Il le facilite à faire le khayr. Il le facilite à délaisser الشر والمنكر. واقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. أي même العباد, même les serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala bi quwwatihi wa qudratihi, il facilite à ce que les gens ils l'aiment et ils l'acceptent, khassatan al mu'minin. Amma al kafir al mujrim, il détestera le mu'min da'iman, lakin ibadullah subhanahu wa ta'ala ils aimeront hada al 'abd al salih, li'ann Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu al qabul fil ard fan nas yuhibbuna. Fa idhan sa'adatuna ونجاتنا, notre bonheur, et on sera sauvé من عذاب الله عز وجل بتحقيق هذه المحبة. C'est ça le chemin du bonheur. C'est ça la solution pour être sauvé. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. Tout le monde, l'insan, et les êtres humains, ils sont في خسر, ils vont à leur perdition. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf ceux qu'ils ont cru. Et l'Iman, t'es obligé d'avoir al-mahabba. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Enfin, c'est ça le chemin pour être sauvé. فَلَا تَغْتَرْ بِالدُّنْيَا. فَلَا تَغْتَرْ. C'est pas ça qui te sauvera. C'est pas ça. كَمْ مِنَ النَّاسِ, ils ont مِنَ الْأَمْوَالِ وَا des choses de ce bas monde. Et ils seront parmi les perdants. لماذا؟ لأن ils ont fait aucun effort في العبادة. Ils ont fait aucun effort pour que Allah subhanahu wa ta'ala il les aime. فالآن, il y a une question qu'on doit tous se poser. Si on a compris cette brève introduction, كيف تنال محبة الله عز وجل؟ Comment acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? On sait que cet amour, Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve ceux qu'il aime, il élève ceux qu'il aime, il pardonne à ceux qu'il aime, il guide ceux qu'il aime. فَنَحْنُ الْآن, la question qu'on peut se poser, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Et ça c'est un su'al azim. Et la réponse elle est azima kadhalik. On doit faire des efforts fi hada. Et on doit faire attention à tout ce qui nous éloigne de cette mahabba. Léana, t'es un être humain et t'as qu'un cœur. Si ce cœur, il est rempli d'un amour pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura plus de place pour l'amour d'Allah. Enfin, fais attention à ce cœur. Fais attention dans quoi tu mets tes efforts. Fais attention à tes fréquentations. Léana, les fréquentations, ça joue. Kadalik. Tu trouves l'un de ba'd al-nas. Wal'iyadu billah. L'il-asaf, Robama, c'est un musulman. Ou il prétend être musulman. Toute sa vie, c'est pour se rapprocher d'un sportif. Ou il espère que ce sportif, ou ce chanteur, ou cet acteur, il l'aime. Robama, il s'habille comme lui. Robama, il le suit partout. Son cœur, il est malade. قل إن كنتم تحبون الله Si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Habille-toi comme il s'habillait le prophète alayhi salatu wa sallam. Fais des efforts fil ibad. Fais des efforts dans ton suivi, ton exemple, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Parmi les choses les plus importantes pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a cité. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. Pour rapport à ce suivi, plus l'insan il suit le prophète صلى الله عليه وسلم et il fait des efforts intérieurement, باطنا وظاهرا et l'apparence que d'Alik, et les actes du cœur et les actes des membres, il fait des efforts, et il travaille sa sincérité, il fait des efforts, il s'efforce à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mahabba, elle est élevée. Et il a fait une cause azim pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Qala, wa bihasab nuqsanihi yakun nuqsanuha. Ça nous montre qu'on n'est pas tous pareils fi mahabbatillah. Tu trouves un mu'minin, ils aiment Allah plus que d'autres. Et al-mizan, comment différencier, comment savoir, c'est par rapport à al-ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn al-qayyim falaysa al-sha'n fi an tuhibba Allah bal al-sha'n fi an yuhibbaka Allah. La parole qu'il a citée, l'imam ibn Kathir, an ba'd al-ulama, l'imam ibn al-Qayyim, il la cite kadalik. L'essentiel et le plus important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. C'est ça l'essentiel. Amma, une prétention sans effort. Comme il y a des gens qui prétendent des choses. Ils veulent faire, ils ont fait. Ils ne sont pas sadiq. Ou ils n'ont pas rempli les conditions. Ça leur est d'aucune utilité. فهكذا هذه المحبة parmi les plus grandes causes اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime suis ce messager que Allah il a envoyé fais des efforts لأن ce messager Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime si tu suis cette personne que Allah subhanahu wa ta'ala il aime son messager khalilu Inch'Allah ta'ala, t'as fait une grande cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا. C'est ça le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le suis en apparence et dans les œuvres du cœur. Et tout ce qui est ikhlas, le mahabba, le yaqin, tu fais des efforts dans l'aqidah, tu fais des efforts dans l'apparence, tu fais salat comme lui, tu fais le hajj comme il l'a fait, tu fais le siyam comme il l'a fait. Tout ton din, le manhaj, la voie, ton exemple, c'est le rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois et tu rends véridique ces informations, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a informé maintenant les signes de la fin des temps, il nous a informé Al-Jannah, il nous a informé les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, tu as une conviction ferme, annahu, c'est haqq. Kadhalik, tu suis ses ordres et tu t'écartes de ses interdits, alayhi salatu wassalam, et des choses qu'il a interdites. Qala, wa atharthahu taw'an, kadhalik, tu fais passer personne, qui qu'il soit, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton dîn. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un qawl et nous a montré une chose. Et un autre, il le contredit. Imma par ignorance, par ijtihad. Ça peut être un savant de la sunna. Imma volontairement, c'est un mu'anid, un mujrim, un munharif. T'as pas le droit de faire passer un autre avant ou sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre al-mahab. Qala. قال وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبتي غيره من الخلق بمحبته كذلك تم le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les autres plus que toutes les autres créatures فلهذا tu le fais passer avant que ça soit dans l'amour ou dans ses ordres ou dans si nous interdit une chose tu fais passer son qawl avant alayhi sallallahu alayhi wa sallam وعن طاعة غيره بطاعته نعم. T'as pas le droit, لأن طاعة الرسول c'est من طاعة الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. T'as pas le droit هذا. Et ça, ça montre ceux qui ont des faiblesses في هذا, ils ont des faiblesses في المحبة. لأن celui qui aime Allah, il est véridique, il est sincère, il aime son prophète. Et il suit son prophète, لأن Allah lui a ordonné هذا. Et plus il délaisse, plus il a une faiblesse dans le mahabba. قال وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. C'est une nasiha de l'imam Ibn al-Qayyim. Si on n'est pas à la hada, et on ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou on a des faiblesses, on peut faire des efforts, on ne les fait pas, t'as plus qu'à regarder derrière toi et te remettre en question et chercher la lumière. Les anna, ton amour, elle est fondée sur rien du tout. Allez, c'est une nasiha, il faut voir la réalité en face. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné des choses et il a mis des esbab. Il a envoyé un messager, il a fait descendre هذا القرآن العظيم. On doit faire des efforts, on est des musulmans. On doit faire des efforts, voir la réalité en face. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Si tu fais des efforts, il te facilitera, jalla wa ala. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبه الله تعالى. Celui qui suit le rasoul, c'est un dalil annahu il est véridique quand il prétend qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait la cause. قال واحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه. فلهذا الله سبحانه وتعالى في اخر الايه قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اسباب que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime si tu suis le Rasoul, et parmi les causes que Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne des fautes. T'es gagnant, ayyuhal mu'min. T'es gagnant en suivant le Rasoul. T'es gagnant en faisant des efforts si tu veux acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-ibad, si t'es préservé de leur mal, si, tu n'auras pas un grand bien si tu khalif al-din abadan. قال الشيخ سعدي ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى لان محبته توجب له اتباع الرسول. Ça c'est une règle, tu peux le prendre comme une règle, une قاعده. Celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et suit par rasoul, il est كاذب في دعواه, il est pas véridique dans ce qu'il prétend. قال سبحانه وتعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. Si ils répondent pas à ton appel, أيها الرسول, sache, c'est Allah subhanahu wa ta'ala الآن في القرآن qu'a cité ce verset, فإن لم يستجيبوا لك, et s'ils répondent pas à ton appel, فعلم أنما يتبعون أهواءهم, sache qu'ils suivent leur passion. نعم, ils suivent leur passion. Et le suivi des passions, c'est pas une cause pour que Allah y t'aime. Ben, c'est le contraire, ça contredit le suivi du Rasoul. فالحذر, الحذر من الأهواء. On doit faire attention. الأهواء, et les passions. On doit placer le haq toujours au-dessus. On doit placer sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam فوق الجميع. Et on fait des efforts fil ilm, et on fait des efforts fil ibadah. عسى الله سبحانه وتعالى il nous ouvre les portes et il nous facilite et on fait partie de ceux qui l'aiment سبحانه. Deuxième cause qu'on peut citer هنا تقديم الحق على غيره. Ça c'est une cause عظيمة et on en a parlé. On fait passer le حق et كلام الله et كلام الرسول avant toute autre chose. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج مدارج السالكين قال الدرجة الثانية محبة تبعث على إيقار أو إيثار الحق على غيره. Cette محبة si t'es sincère, t'es véridique, tu feras passer le haq avant toute autre chose. لأن التام. Et هذا c'est معروف عند الناس. Si t'aimes une chose, tu fais passer cette chose avant une chose que t'aimes moins ou que t'aimes pas. Enfin, si on est véridique, on doit faire passer kalam Allah qu'on prétend aimer et kalam de son messager avant toute chose. Si une personne il a un va' fi hada wa yakhalif, fa il a un va' dans sa mahabba. هذا c'est واضح. قال ابن القيم رحمه الله عليه اي لكمالها وقوتها فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه. Cette mahabba, si elle est ancrée dans le cœur de ce mu'min et il est véridique, ça le poussera à délaisser al-batil. Ça le poussera à suivre le haq et à délaisser tous les aqwal de n'importe qui s'ils contredisent ce haq. C'est ça le chemin si tu veux acquérir l'amour d'Allah. Et qu'Allah y t'aille. Wa'alam, anna mukhalafat al-nas, ça ne te fera aucun mal. Tant que tu suis le haq. Ça te fera aucun mal. Wa'alam kadhalik anna, si tu veux suivre les gens, al-haq il est wahid. Al-haq il est wahid. Wa la tazal ta'ifatun min hadhi l'umma ala al-haq. Si tu veux suivre les gens, tu trouveras toujours un groupe qui est sur le haq. Amma, si tu veux suivre les gens que parce que c'est foulain, ou ils sont plusieurs, ou il a une renommée, tu n'arriveras jamais à les satisfaire. Abadan. Tu suivras hada, un autre il va te réfuter. Tu suivras un deuxième, un troisième, il te répliquera, il te montrera. Et tatab, suis le haq, tastariyah. Suis le haq, ça va te reposer. Suis le haq, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Et si Allah il t'aime, wallahi, anna, ça te fait aucun mal que Fulan il parle de toi, ou Fulan il parle sur toi, ou Fulan il est pas d'accord avec toi. Ça te fait aucun mal. L'anna, toi et ce Fulan, ma'mourun, mitiba'a al-rasoul. Les deux, tous, on est ordonné de suivre hada al-rasoul. Qal ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, wala yuthiru ghayrahu alayhi, wa yaj'al al-lisan lahijan bi-dhikri. فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ. La référence, c'est le kitab ou le sunna. Notre fondement principal, c'est le kitab ou le sunna ala fahmi salaf. On s'accroche à هذا et inshallah on est ala khair. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Fais attention de ne pas être min ha'oula al-ghafilin. Ay alladhina la yatadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaykum. Suivez. Ay al-Qur'an wa sunnah. Ma unzila ilaykum. Ay al-wahi. Wa la tattabi'u. Et ne suivez pas toute chose qui contredit ces deux fondements. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Wa min al-nas. Man يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. On l'a cité le verset. فقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره. كذلك ça soit une مسألة de fiqh من باب أولى de عقيدة. Si ta كلام الرسول ta un verset أي ta الحق, fais attention de ne pas contredire ce haq volontairement. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Fais attention à ces babes al-zayr et ces babes al-inhiraf. قَالَ سُبْحَانَهُ وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui عَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, il donne l'importance au kitab et à la sunnah. Il ne fait rien passer fidin Allah Azza wa Jal, que ce soit aqwal al-rijal ou des pensées ou des madahib avant al-adilla. Et ça montre annahu il a al-taqwa fi qalbih, il a al-mahabba. Wa man yu'azzim sha'air Allah, il donne de l'importance au din et son but c'est le haq. Fa innaha min taqwa al-qulub, parmi les causes pour acquérir l'amour d'Allah al-taqwa. Fa innaha min taqwa al-qulub qala Azza wa Jal. فالتقوى قال سبحانه إن الله يحب المتقين. الله إلام المتقين أهل التقوى. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه الذين أدوا ما أمروا به. C'est ça التقوى. C'est ils font des efforts pour appliquer les ordres d'Allah سبحانه وتعالى et de son messager صلى الله عليه وسلم. قال واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. Et il s'écarte des ma'asi. C'est ça le taqwa. Tout ça bien sûr fondé sur Al-Kitab wa Sunnah. Et ce que le Kitab wa Sunnah ils nous ont démontré, c'est halal, c'est un ordre, c'est une ibadah, on le fait. Ou si c'est halal, c'est permis. Al-Kitab wa Sunnah, il y a des adillah qui montrent que cette chose elle est interdite, il faut s'écarter, on s'écarte. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le taqwa. Et celui qui fait des efforts fi hada, fa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu. Inna Allah yuhibbu al-muttaqi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yuhibbu al-abd al-taqi, al-ghani al-khafi. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le serviteur al-taqi, qui fait des efforts dans son dîn. Il fait les ordres et s'écarte des interdits. Al-hadith fait sahih muslim. Wa min mahabbati Allah azza wa jal, كذلك on fait un tambih هنا, an tuhib ma yuhibbuhu Allah, wa tubghid ma yubghiduhu Allah. C'est que tu aimes ce que Allah il aime et tu détestes ce que Allah il déteste. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. La foi la plus forte. قال عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله. T'aimes ce que Allah il aime et tu détestes ce que Allah il déteste. فالواجب الواجب, si tu veux que Allah il t'aime, tu dois aimer ses awliya, tu dois aimer عباده المؤمنين. Tu dois détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. الشيطان وجنود الشيطان من الكفر والمجرمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى celui qui délaisse son din, Allah subhanahu wa ta'ala il le remplacera par un peuple que Allah il aime, et ce peuple il aime Allah. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est important, il a cité les caractéristiques de haoula que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Qala adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-mushrikin. Adhillah avec le mu'min. Avec le mu'min, son frère, il est sahel, il est modeste, il l'aime, il est doux, etc. Et a'izzatin ala al-kafirin. Avec le kafir, il a un autre mouqif. Il le déteste fillah, liannahu c'est a'adou min a'da illah. فتحقيق الولاء والبراء الالليانس et le désaveu c'est من أعظم الأسباب لنيل محبة الله عز وجل. L'importance d'étudier العقيدة, l'importance d'étudier التوحيد, حتى t'as un منهج, t'as des مبادئ, t'as des fondements solides. الحب في الله والبغض في الله. Tout ça bien sûr en étant juste, tout ça en ne faisant pas d'injustice à personne, أبداً. لكن البغض il est dans le cœur, il est dans le cœur. On les déteste حتى الممات إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. Parmi les choses كذلك, les causes pour acquérir l'amour d'Allah سبحانه وتعالى, القيام بالفرائض, faire des efforts dans le فرائض. Et c'est ça التقوى comme on a dit. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله سبحانه وتعالى إلام سعب كي في دي زفور دون لي زوبليغاسيون. فسي tu veux acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais des efforts dans les obligations. Fais des efforts dans le tawhid, fais des efforts dans l'apprentissage de ton din, fais des efforts dans la salah, fais des efforts pour le siyam. Si tu as les moyens de faire le hajj, fais le hajj. Tu dois sortir la zakat si tu as de l'argent, sors-la. Tout ça, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime et il te met de la baraka dans ton din, dans ton jism et dans ton mal. Qala sallallahu alayhi wa sallam, أو قال الله عز وجل الحديث حد قدسي قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. توفيق من الله. سي الله سبحانه وتعالى لا يسمع فلا يسمع إلا ما يحبه الله. إلي كنت كسكو الله سبحانه وتعالى إلا قال وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. توفيق من الله. Allah subhanahu wa ta'ala il le facilite. Il avance et il fait toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et il s'écarte des interdits. Et si il glisse, ça arrive que l'insan il a une faiblesse, fayatoub ila Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Cette tawba, même si tu as une faiblesse, tu fais tawba, Allah subhanahu wa ta'ala il aime cette tawba et il aime ceux qui font tawba. Fati fi khayr. Al-mu'min il est fi khayr. Chaque étape, même la faiblesse, S'il se remet en cause, Inch'Allah, il est fi khayr. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Kadalik. Ses efforts dans al-fara'id, dans les obligations, c'est la cause pour que Allah t'aime, et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à tes invocations. Si on se pose la question, pourquoi Allah ne répond pas à nos invocations ahyanan, pourquoi? Il y a un problème. Mais si les efforts ils sont faits, la sincérité, قال عز وجل وإن سألني لا أعطيه. Si me demande, je lui donne. قال ولا إن استعاذني لا أعيذن. فضلا من الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Et ça c'est un tambih مهم. لأن أحيانا on fait des efforts, que ce soit fait al-fara'id, walillahi al-hamd, ou al-nawafil. Lakin, on a un problème, c'est qu'on manque de régularité. Ahabbu al-a'mal ilallah. Les œuvres qui sont le plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha. C'est les œuvres qui sont régulières. Wa in qal, même si elles sont peu nombreuses. Enfin, vaut mieux commencer doucement un programme, que ce soit fil ilm ou fil ibadah, et inshallah t'es régulier, fahada c'est min ahab al-a'mal ilallah. Mais un jour t'as une ibadah azima, tu fais beaucoup, tomba la semaine d'après, tu fais plus, fahada c'est pas min al-tawfiq. Li anna al-a'mal bil khawatim. Pense à hada da'iman anna al-a'mal c'est bil khawatim. Aïe, l'essentiel c'est sur quoi tu vas mourir. Si tu es régulier, Inch'Allah, ta régularité, la mort, le jour où Malak al-Maut vient reprendre ton âme, tu es régulier, tu es à la khair. Hada, c'est muhim. Wa min al-fara'id, qu'on peut citer parmi les fara'id. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, on répète le hadith. Qala azza wa jal fi al-hadith al-Qudsi, wa ma yazal abdi yataqarrab ilayya. Qala, wa ma taqarrab ilayya abdi bi shay'in ahab ilayya mimma iftaratuhu alayya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est al-fara'id, les obligations. Parmi ces obligations, as-salat, la salat. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-a'mal ila Allah as-salatu li waqtiha. Faire la salat à son heure. Muttafaqun alayhi. An-nuhafid jami'an ala hadhihi al-ibadah. On doit faire des efforts. Et on s'entraide et on se conseille hadhihi al-ibadah al-azima, as-salat. As-salat avec al-tahara, c'est un short. Aïe, parfaire les ablutions pour les hommes al-masjid. Bien sûr, la salat à l'heure. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. On fait salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat, on ne se précipite pas, al-khushu' et on fait des efforts fil nawafil. Tout ça, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime hadha al-'abd. Wahdhar. Akhil Karim, fais attention à ne te قدم شيئا من زخارف هذه الدنيا على هذه الصلاة. Fais attention de ne pas faire passer un bienfait mondain de هذه الدنيا sur cette ibadah azima. Fais attention. Un travail où tu ne peux plus faire salat à l'heure, où tu ne peux plus faire ta salat bi khushu', wallahi c'est une fitna. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Fais du'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond au da'i s'il est sincère. Faites des efforts. Pourquoi gaspiller hadha ad-din, hadhihi as-salat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a qualifié de amoud ad-din. C'est le pilier de ce din. Amoud ad-din. As-salat. La gaspiller pour un travail, rubbama, c'est un kafir, il fait tout pour t'éloigner de ton din. On fait des efforts fi hadha. Qala subhanahu wa ta'ala, fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ils donnent pas d'importance à salat. Ils font salat, لكن ils donnent pas d'importance et ils la font pas à l'heure, etc. Allah subhanahu wa ta'ala قال فويل للمصلين. Qu'est-ce qu'on va dire alors de celui qui ne la fait pas? On dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Celui qui la délaisse, فقد كفر. Il est tombé dans le coffre. On fait des efforts fihada. Et on conseille nos proches. Et on conseille al-muslimi. Et on conseille notre entourage. As-salat, as-salat. Falaysa al-sha'an an tuhibba Allah faqat. Lakin al-sha'an an yuhibbak Allah. On répète ce kalam. Na'am. Si tu prétends aimer Allah, fais des efforts fihada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté pour nous démontrer as-salah. Il a montré la gravité de la délaisser et de ne pas la faire à l'heure. Donc si on prétend aimer Allah, on fait des efforts fi hada. Fa tariq an-nail mahabbati Allah azza wa jalla, c'est l'ijtihad fi al-fara'id wa an-nawafil. كذلك celui qui fait des efforts fi an-nawafil, قال الله عز وجل في الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. Il fait des efforts fi an-nawafil hatta Allah il l'aime. Al-fara'id النوافل. Parmi ces عبادات عظيمة الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام أو أحب الكلام إلى الله تعالى أربع. أي les meilleures paroles, les paroles que Allah il aime le plus, quatre paroles. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم. هذا الذكر connaît. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est les paroles que Allah il aime le plus. Celui qui les dit sincèrement, il a fait une cause azima pour que Allah il l'aime. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lakin, celui qui est toujours occupé par les gens, Fulan il a fait, ils ont fait, al-ghayba, wal-namima, il perd son temps, il aura du mal à trouver du temps pour ces quatre paroles. Pourtant, tu l'as dit en quelques secondes. Lakin, si le cœur il est occupé par le batil, c'est très dur de trouver une place pour le haqq. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. Deux paroles. Elles sont lourdes dans la balance. Elles sont très légères sur la langue. C'est très simple à les dire. Et Allah, il les aime. قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux kalimats très très simples. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ces kalimats, il aime ce dhikr et il aime ceux qui font ce dhikr pour lui jalla wa ala. قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه في المدارج قال دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبه على قدر نصيبه من الذكر. Il fera du dhikr sincèrement pour Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala il l'aimera. Moins il fera du dhikr, plus il n'aura pas cette mahabba comme celui qui fait beaucoup. Donc les efforts. كذلك قراءة القرآن. قال ابن القيم رحمة الله عليه قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. Il a cité في كتابه العظيم المدارج, il a cité 10 causes pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces causes الذكر إلى لكتور القرآن. كذلك التوبة والطهارة. هنا parler de التوبة. قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توبة c'est une نعمة عظيمة. لأن تاني تخونا tu feras des efforts. T'en as fait et t'en referas. لكن الله سبحانه وتعالى il est كريم. Tu fais التوبة et Allah سبحانه وتعالى il pardonne. كذلك الطهارة. الله سبحانه وتعالى إلا المتطهرين. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. كذلك on fait des efforts sur notre apparence. الله il est جميل et il aime الجمال أي la beauté. On fait des efforts. Si الله سبحانه وتعالى il t'a donné المال و il t'a facilité une situation et t'as les moyens, fa prends soin de toi, akhil karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime hada. Tout ça lillah subhanahu wa ta'ala, sans kibr, avec modestie, fa Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib al-jamal. Il est jamil, wa yuhib al-jamal. Kadhalik, at-tawakkul ala Allah. C'est une ibada azima, qalbiya, c'est une cause azima pour acquérir l'amour d'Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, fa idha azamta fa tawakkul ala Allah. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Placez sa confiance en Allah. Allah il aime هذا. قال الإمام القرطبي هم الراضون بقضائه. أي c'est quoi الآن أو c'est qui المتوكل على الله, qui place sa confiance en Allah, c'est qui. قال الإمام القرطبي الراضون بقضائه أي ils acceptent القدر. توكلون على الله. Est-ce qui se passe, ils acceptent. C'est min qadar illah azza wa jal. Al mustaslimuna li hukmihi fihim. Ils patientent. Allah subhanahu wa ta'ala arada shay'an hakama bi shay' fayastaslimuni se soumettent. Qala wa wafaq dhalik minhum hawahum aw khalafa. Que ce soit pour ou contre lui. Il aime ou il n'aime pas. C'est, ça correspond à ses passions. Aime-le. لماذا لأن هذا المتوكل على الله son mizan c'est le haqq. Il place sa confiance en Allah et tu trouves أن هؤلاء qui placent leur confiance en Allah c'est من أقوى الناس. أقوى الناس لأنهم ils ont un iman قوي بالقدر. Ils placent leur confiance en Allah et ils font des efforts et tout ce qui leur arrive فسبي قدر الله جل وعلا. Allah subhanahu wa ta'ala il aime هؤلاء. كذلك الصبر la patience. قال الله تعالى والله يحب الصابرين. Allah il aime cette sifa et il aime ceux qui font des efforts في هذا الصابرون أي les patients. وقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. C'est ça celui qui a de la patience. Tu trouves les patients, tu les vois quand ils sont atteints par une catastrophe, par une musiba, un problème. Ça leur arrive, tu les trouves, ils sont patients et ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. لأنهم ils ont un iman qawi bil qadr kama taqaddam. Et ce qui est fait, c'est fait. لابد من الصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر. Si tu n'as pas de sabr, tu n'iras pas loin. Yalla, cette dunya, c'est une fitna. Et c'est un imtihan kabir pour toi. Fala abud min al-sabr. Les épreuves, ça passe. Les épreuves, ça passe. Wa al-aqibatu lil-muttaqin. Kadhalik, al-adl wa al-insaf. Être juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui sont justes. قال عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والقسط c'est العدل أي être juste. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء. Même si c'est des personnes injustes, même si c'est un ennemi parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être juste. T'as pas le droit de mentir sur lui, t'as pas le droit d'être injuste. الحق c'est الحق. قال حتى ولو كانوا ظلما وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. هذا بيان فضيلة العدل والقسط. نعم سين صفة عظيمة. Et l'époque où qu'on vit, كثير من الناس ils donnent pas d'importance à هذا. Ils sont pas justes. Si c'est une personne qui est proche de lui, Orobama il ferme les yeux. Si c'est une personne qui déteste, Orobama il le juge et il le prend sur chaque chose. هذا c'est pas من العدل. Tu dois être juste et tu dois revenir au Coran et à la Sunna. Et le haqq, il n'est pas forcément avec toi. Le haqq, il n'est pas forcément avec Fulan, il n'est pas forcément avec ton shir, il n'est pas abtan. Le haqq, c'est ma ja'a fil kitab wa sunna. C'est ça l'adl. C'est ça, juger avec le haqq. Qala, hada bayan fadilat l'adl wal qist fil hukm bayna nas wa anna Allah ta'ala yuhibbuhu. On est juste. S'il se passe quelque chose entre des frères ou entre des proches, فَنَحْكُمْ بِالْحَقِّ et بِالْعَدْلِ. Que c'est, que ça soit pour ou contre toi, الْحَقِّ et الْعَدْلِ. Si tu veux acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. كَذَلِكَ الْإِحْسَانِ. Être bienfaisant, ça c'est مهم. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان. Ça englobe toutes les sortes, toutes les catégories de bienfaisants. الإحسان مع الله كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. T'adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Si tu le vois pas, Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. كذلك الإحسان مع الخلق. نعم الإحسان مع الجيران. الإحسان مع إخوانك المؤمنين. Tout ça, cette صفة الله سبحانه وتعالى إلا. كذلك حسن الخلق والرفق. Le bon comportement. Et parmi les bons comportements, la douceur. والحكمة. Chaque chose à sa place. الله سبحانه وتعالى إلا ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الله إلام الرفق. Donc si on fait des efforts fi hadha al-bab, fa Allah subhanahu wa ta'ala il nous aimera. C'est une cause azim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam ahabbu 'ibadillah 'azza wa jalla ila Allah ahsanuhum khuluqa. Les serviteurs que Allah il aime le plus, c'est ceux qui ont un bon comportement. Al-hadith sahahahu al-imam al-Albani rahmatullah alayh. Husn al-khuluq avec tes voisins, husn al-khuluq avec tes parents, min babi awla, avec tes proches, husn al-khuluq avec tes frères, avec husn al-khuluq avec tout le monde, t'as un bon comportement. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama ja'a fi al-hadith innama bu'ithu li utammim makarim al-akhlaq. Parmi les raisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était envoyé, c'est pour parfaire les bons comportements. On a un bon comportement et le bon comportement c'est al-Qur'an wa sunnah. Tout ce qui est fait le Coran et le Sunna, c'est le bon comportement. Et ce qui contredit le Coran ou le Sunna, c'est un mauvais comportement. Ça, c'est moi-même, le comportement. Le bon comportement, c'est pas ce que Bardanas essaye de nous montrer. Tu dois avoir le sourire avec tout le monde, tu dois avoir du tamir, tu dois pas avoir de principe. Si tu te cramponnes à ton din, t'es un extrémiste, t'as un mauvais comportement. Le bon comportement, c'est Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلا تغتر بعض الناس ils emploient les mêmes mots que nous لكن avec une autre définition, avec un autre objectif. فانتبه لهذا. ومن اعظم الاسباب, parmi les plus grandes causes pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabba bayn al-mu'minin, c'est que t'aimes ton frère في الله subhanahu wa ta'ala. قال عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. الحديث اللي في موطأ مالك إيه صحيح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل, حديث قدسي, الله سبحانه وتعالى قال وجبت محبتي للمتحابين في. وجبت أي الله سبحانه وتعالى il aimera ceux qui se sont aimés pour lui. T'aimes ton frère pour Allah سبحانه وتعالى pour rien d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les mu'minin qui ont cette sifa. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya. Kadhalik ceux qui se rendent visite fillah azza wa jalla. Lianahu c'est son frère. Il regarde est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Ça fait longtemps il l'a pas vu. Yazuruhu lillah. Il est récompensé et c'est une cause pour qu'Allah il l'aime. Limadha? Lianahu il a aimé hadha al-'abd que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'Allah illa. Fa'l-nahris jami'an. On fait des efforts et on s'entraide et on se conseille pour acquérir hadhihi al-mahabba. Faire des efforts fi hadhihi al-asbab al-jaliba li mahabbatillahi azza wa jalla. Si Allah subhanahu wa ta'ala itam, qala sallallahu alayhi wa sallam, idha ahabba Allahu al-abd, si Allah subhanahu wa ta'ala itam, nada Jibril. نادى جبريل أي يقول لجبريل إن الله يحب فلانا فأحببه. الله سبحانه وتعالى أي جبريل il entend إن الله يحب فلانا فأحببه أي un ordre que جبريل il doit aimer هذا العبد comme Allah il l'a aimé. Celui que Allah سبحانه وتعالى il l'a كذلك جبريل il l'a. النعمة عظيمة. قال فيحبه جبريل اي جبريل اللام لان جبريل اللام سوك الله لام. قال فينادي جبريل جبريل après avoir entendu Allah سبحانه وتعالى lui dire هذا lui-même il dit في اهل السماء اي il est في السماء et il parle aux anges ان الله يحب فلانا فاحبوه. Allah سبحانه وتعالى il l'aime un tel فاملو. فيحبه أهل السماء. Les anges qui sont في السماء ils l'aiment. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم في الأرض إلى القبول عند أهل الخير. عند أهل الصلاح. Les gens ils reconnaissent sa menzila. Et ils l'aiment. لأنه il est juste. Il est patient. Il توكل على الله. Il a un bon comportement. Il adore Allah. فمثل هذا il est aimé عند الصالحين. الآن faire des efforts في الدين. Ton créateur, il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril, un malak azim, il t'aime. Bel al-malaika fi s-sama, il t'aime. Si tu fais des efforts dans ton din. Amma, les concessions et on délaisse notre dîme pour que Foulani parle pas sur nous, pour que les kuffars ils nous citent en bien, t'as gagné quoi. Qu'un najis, un mujrim, il parle en bien de toi et il t'aimera pas tant que tu suivras pas son dîn. Abadan, ça il faut bien le comprendre. Walan tarda anka al-yahoud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Et si tu suis leur milla, ils t'aimeront, lakin t'auras gaspillé hadha al-fadl al-'azim. Lian Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste al-kafara al-mujrimin. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله إذا أحب الله عبدا عسله قالوا يا رسول الله وما عسله si Allah il aime un عبد عسله الصحابة ils ont demandé وما عسله ça veut dire quoi عسله قال صلى الله عليه وسلم يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite des œuvres pieuses avant sa mort. Et il meurt ala al-khayr, ala al-tawhid. Tout ça parce que Allah il l'a aimé et il a fait les causes qu'on a citées et d'autres. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala husnu al-khatima wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakum Allah. Inch'Allah, les prochains cours ou les prochaines muhadara, ça sera plus avec Pal Talk. On a trouvé un autre avval. Enfin, Inch'Allah, il y aura l'annonce sur le site. Ça sera sur ce qu'ils appellent la radio Mix LR. Elle est ma'roufa inda ba'd an-nas. Inch'Allah, ça sera. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit plus profitable, que ça soit anfa'. Et on n'aura plus besoin de se connecter directement sur. Sur un logiciel, ça sera retransmis directement sur le site. Et qu'il y aura, il y a un logiciel pour les téléphones, pour les ordinateurs. Et ceux qui s'abonnent, Inch'Allah Ta'ala, enfin, dès que la muhadra commence, ils reçoivent un message, etc. Enfin, Inch'Allah, c'est anfa', c'est plus simple pour nous. Et Inch'Allah pour vous. Enfin, le prochain cours ou la prochaine muhadra, imma ça sera ce dimanche, imma l'autre. Inch'Allah, ça sera sur ce nouveau support. Et il y aura l'annonce sur le site. Fanasallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. On répète à ceux qui veulent qu'on traite un sujet spécifique, s'ils ont une idée, yatafaddalu ils l'écrivent, hatta on essaye de le traiter. Et celui qui a quelque chose, kadhalik, wa illa naqif huna. Hayyakumullah. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.